Chronique hors-jeu du 20 mars 2026. La poésie stupéfie par Daniela Ferrière de l'Académie française. Chaque vendredi, l'écrivain livre ses réflexions personnelles sur l'air du temps, un peu comme s'il tenait un journal. La lucidité. L'enfance est pour certains une succession de temps magiques. Je me souviens du moment où j'ai découvert le point d'ébullition. J'étais debout sur la pointe des pieds, dans la cuisine, à côté de ma mère. Je regardais l'eau qui s'apprêtait à bouillir. Les premières petites bulles, de plus en plus nombreuses. J'étais stupéfait devant ce miracle de l'eau en train de passer de l'état liquide à l'état gazeux. Ma mère attendait cet instant pour y jeter les légumes coupés. J'ai compris plus tard que je participais à une étrange cérémonie. Ma mère faisait cuire ses légumes pour me nourrir pendant que je découvrais le sentiment poétique. J'étais devenu un jeune poète de 6 ans. J'ai appris plus tard que le poème d'Aimé Césaire, Cahier de retour au pays natal 1939, a provoqué la même réaction chez Breton qui a relié cet instant à la beauté de l'oxygène naissant. Et depuis, je cherche cette sensation que je retrouve heureusement plus souvent que je ne l'espérais. Dernièrement, j'ai connu 2 arrêts sur image, l'un aussi singulier que l'autre, mais avec des impacts différents sur ma sensibilité. J'ai pris au hasard, ou peut-être que le hasard n'a qu'un faisceau de coïncidences, l'un des rares recueils de poésie de Baldwin, Jimmy's Blues. Et j'ai lu le premier poème qui nous fait ressentir immédiatement la différence entre un poème et un roman. On négocie beaucoup durant l'écriture d'un roman, tandis que le poème vise le cœur. Ce recueil est paru en 1983, 20 ans après l'essai majeur « La prochaine fois le feu », 1963, qui a rendu Baldwin si célèbre, tout en ébranlant au passage ce système qui exclut, sans état d'âme, une bonne partie de la population américaine, celle qui est arrivée sur le continent dans la cale des bateaux négriers. Le livre de Baldwin s'est logé au cœur des affrontements pour les droits civiques aux États-Unis. Il y a eu une période plutôt favorable à la minorité noire. Puis, les choses sont rentrées dans l'ordre. Mais en 1983, Baldwin témoigne à nouveau de la gravité de la situation dans un poème électrique, Les interrogations de Stargirlie, qui débute ainsi. Je me demande toujours ce qu'ils croient que font les nègres, tandis que, crayeux et rose réalistes, s'affaire à contenir la Russie, à définir, redéfinir, repartager la Chine, en s'interdisant en même temps, avec noblesse, de faire sauter cette planète qu'ils ont déjà, par mépris, transformée en fumier. Bien que ce ne soit pas du tout la situation de la Russie belliqueuse en ce moment, ni surtout celle de la Chine qui joue à la belle endormie, attendant que le rival s'épuise de lui-même, on doit admettre que le dernier passage cité du poème est prophétique. Quelqu'un a dernièrement transformé la planète en fumier, sans aucune noblesse. La tendresse. Il y a quelques mois, j'ai reçu un colis avec un manuscrit et une lettre de Cocteau qui ne m'était vraisemblablement pas destinée. La page était charmante, dans la manière de Cocteau, l'esquisse d'une rose rouge avec une tige verte sur la marge de gauche et en haut, un poisson bleu ou son œil, le tout fermé par 2 traits sobres où sa main a tremblé légèrement. L'écriture est un peu fragile, mais tout à fait lisible. Le tout d'un charme fou, cette élégance que le poète a gardée sa vie durant. Cocteau a dit un jour que l'originalité, c'est quelqu'un qui essaie de faire comme tout le monde sans y parvenir. Ce quelqu'un, c'était Jean Cocteau, l'auteur de L'ange Heurtebise, ce poème qui met en scène un ange à deux têtes, la muse et la mort, m'avait longtemps fasciné, et cela même s'il peut paraître un peu guindé aujourd'hui. Il faut être courageux pour remercier ainsi une femme qui vous a envoyé des fleurs. Ma très chère petite Aude, malgré cette halte à laquelle je me condamne par fatigue du mal des remèdes et des médecins, on me porte vos bouquets gonflés de la seule tendresse qui soigne. À vrai dire, les antibiotiques m'avaient empoisonné le côté gauche du visage et il a fallu que j'accepte une greffe médicale. Je me cache, mais pas à toi, et je t'embrasse, Jean Cocteau. Pourquoi ce jeune homme a-t-il envoyé cette lettre de Cocteau? Ces mots, peut-être les derniers du poète, puisqu'ils sont datés du 1er octobre 1963 et qu'il mourra le 11 octobre. Cette exigence de douceur qui a conduit sa vie et qu'il a voulu diffuser dans le paysage reste ici palpable. Les poètes ne ferment pas les yeux devant la mort et refusent les joliesses et les métaphores embrumées quand il s'agit de décrire la détérioration du corps. Comme Villon, décrivant ses amis au gibet de Montfaucon dans la Ballade des pendus. Mais Cocteau parlait de Cocteau à 10 jours de sa propre mort. Un seul vers. Villon ouvre son poème par un vers si vaste qu'il déborde jusque dans ma chambre à coucher, après avoir traversé allègrement près de 6 siècles. Frères humains qui après nous vivaient, n'ayez les cœurs contre nous endurcis. Ce matin-là, Joséphine Bacon, celle qui danse nue avec les ombres, tout en fredonnant devant un miroir couvert d'un voile noir, des vers si doux et en même temps terrifiants. Je me suis faite belle pour que l'on remarque la moelle de mes os. La caméra suit Gaston Miron, dit le magnifique, dans un long panoramique où on le voit penché vers la poétesse Inou tout en psalmodiant. Tu as les yeux pères des champs de rosée, tu as les yeux d'aventure et d'années-lumière. Plus prudent, Borges, l'aveugle de Buenos Aires, annonce « C'est l'amour, il me faut me cacher ou fuir. » Mais Magloire Saint-Aude, le poète des mauvais quartiers de Port-au-Prince, ce chantre des prostituées au rire sec, évoque vers la fin les pâles amours solennels à mon trépas écarquillé. Impassible, Stéphane Martelly, la fille de Cronos, fine lectrice de Saint-Aude lui-même, tente d'arrêter le temps dans son dernier recueil, Mourir est beau, paru aux éditions du Noroi. J'arrête le chronomètre, les gens autour de moi vieillissent plus vite si j'ai le dos tourné. »